Join me on RIG. RIG. Oh, la marche, c'est vachement plus dur de nez que nous. Moi, c'est clair. RIG 90.7. Ne cherchez plus, c'est 90.7. Ne cherchez plus. Bonsoir à toutes et à tous, c'est Thierry Gallet qui vous accompagne jusqu'à 22h pour la 311e saga des Fab Four sur RIG 90.7. J'espère que vous allez bien, j'espère que tout va bien se passer, je pense que oui, parce que We're Gonna Love Tonight, l'album de la semaine, c'est l'album Love des Beatles. Donc, on va parler d'amour. Il y aura Get Back, l'album Love en 2006, il y aura Revolution, version Love, il y aura Being for the Benefit of Mr. Kite et la suite. Il y aura également Blackbird, emmêlé avec Yesterday, vous verrez ça, Lady Madonna et Come Together. Il n'y aura pas que ça. Il y aura du McCartney, du Lennon, du Harrison et du Star et des Beatles. Tiens, c'est bizarre. Ah oui, je sais pourquoi j'ai fait ça. Bon, et je vous le dirai pas tout de suite. Il y aura du McCartney comme par exemple Ben on the Run en 1973, le fameux Ben on the Run. Pour John Lennon, nous serons en 1980 sur l'album Double Fantasy et ce sera I'm Losing You, je suis en train de te perdre. Non. Pour George Harrison, nous reculerons de 10 années par rapport à John Lennon et ce sera Est-ce que c'est pas pitoyable? Isn't it a pity? En 1970 sur l'album All Things Must Pass, et pour Ringo Starr, Oh My Mind. Pour le reste, eh bien, je vous convie à rester 2 heures branchés sur 90.7 ou sur www.rigfm.fr, qui est la façon d'avoir RIG sur Internet. Je sais que nous sommes entendus d'abord sur Bordeaux et sa région, ce qui est normal. C'est déjà d'abord, c'est une radio locale, c'est déjà la fonction principale. Mais également sur la France entière, en Belgique, en Suisse, je le sais, en Angleterre, puisqu'il y a Lovely Rita et d'autres, probablement. Il y a également au Japon, il y a également aux États-Unis. Bref, il peut y avoir n'importe où dans le monde, à différentes heures forcément, la saga des Fab Four, votre émission sur les Beatles. Donc, rejoignez-nous sur Facebook, sur le groupe La Saga des Fab Four, pour pouvoir parler avec nous. On peut vous faire rejoindre le groupe très très vite. Il y a également macaclub.com si vous voulez parler avec les fans de Paul McCartney qui sont sur ce site-là. Et Twitter avec le hashtag SagaFabFour. Vous parlez avec moi, puisque je vais regarder régulièrement. Et puis vous commentez l'émission si vous le souhaitez. Le premier titre qui commence maintenant, c'est la version Love, l'album sorti pour le Cirque du Soleil, la version 2006, Get Back sur RIG. Bonne soirée à vous tous et toutes. inside these four walls. Sent inside forever. Never seeing no one nice again. Musique de Paul McCartney en 1973 sur l'album éponyme, donc l'album du même nom, Ben on the Run. Et auparavant, donc, l'idée du Cirque du Soleil, c'était de faire un spectacle et d'utiliser la musique des Beatles, mais d'une manière totalement différente de prendre des morceaux, de les mixer avec d'autres, avec d'autres éléments, de façon quelque part à rajeunir tout ça, à faire quelque chose d'absolument génial et de créatif. Et c'est le fils de George Martin, Gyle, est-ce qu'on dit Gyle Martin qui a fait ça? Gyle peut-être. Tell me, lovely Rita, do you say Gyle or Gyle? I don't know. Et donc, ben voilà, c'est un album qu'il faut avoir, qu'il faut écouter, parce qu'il y a vraiment des perles qu'on va écouter au cours de cette soirée. Nous avons écouté, oh là là, ça fait beaucoup d'écouter, les Beatles et Paul McCartney, à venir, John Lennon et George Harrison sur RIG. RIG 90.7, la radio des Beatles.

Je vais, comme ça m'arrive quelquefois, me livrer une petite pirouette pas facile, à savoir traduire devant vous, en direct, l'anglais en français. Puisque dans le bouquin « I Me Mine » écrit par George Harrison, dans lequel il commente ses propres chansons, eh bien, voilà ce qu'il dit au sujet de « Isn't it a pity ?»« Isn't it a pity ?» C'est à propos d'une relation qui atteint son point le plus bas. Par exemple, lorsque... Le point le plus bas, par exemple, quand on a envie de casser les dents à quelqu'un, voilà. Moi, j'ai écrit, plutôt que de faire ça, j'ai écrit une chanson. Ça me donnait une chance de me rendre compte que si j'avais l'impression que quelqu'un m'avait laissé tomber, il y avait de grandes possibilités que j'avais laissé tomber quelqu'un d'autre. Voilà. Et on a tous tendance à briser le cœur de les uns les autres, de prendre et de ne pas, au lieu de donner, voilà. Est-ce que ça ne fait pas pitié? Voilà ce qu'il disait au sujet de cette chanson-là. Et c'est une belle philosophie, monsieur George Harrison. Bravo. Voici Ringo, en 73. Oh my mind, sur RG. What's the matter? He said, come. Comme le dit Lovely Rita sur Facebook, c'est Ringo qui fait du boogie. Et oui. Et puisqu'on parle de Lovely Rita, sachez que c'est la directrice du Beatles Magazine à Londres. Elle nous suit depuis là-bas. Et que si vous voulez tout savoir sur les Beatles, eh bien, rendez-vous sur BeatlesMagazineUK.com pour tout savoir 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, 365 jours par an sur Facebook, sur Twitter, sur Google Plus. Et donc, pour avoir des informations sur les tournées de Paul, les tournées de Ringo, les amis qui tournent autour de nos quatre fabuleuses forts comme Eric Clapton ou d'autres, les animateurs radio également, dont votre serviteur, moi, qui faisons des émissions pour vous, et bien vous saurez tout en allant sur BeatlesMagazineUK.com. Merci Lovely Rita. Thierry Gallet, animateur radio, un homme et le The Beatles. Chers auditeurs, nous pouvons l'écouter. Nous en avons la possibilité technique. Nous sommes capables de partager cette passion avec le Beatlesman. Thierry Gallet est devenu cet homme. Passionnant. Passionné. En un mot, le meilleur. L'homme qui aimait les Beatles. C'est exagéré quand même. Sur RIG, la saga des Fab Four. When you talk about destruction, don't you know that you can count me out? Don't you know it's gonna be alright? Alright. Alright. You say you got a real solution. Plan. You ask me for a contribution. Well, you know, we all doing what we can. But if you want money for people with minds that hate, all I can tell you is, brother, you have to wait. Don't you know it's gonna be carrying pictures of Chairman Mao. You ain't gonna make it with anyone anyhow. Don't you know it's gonna be alright? Alright. Alright. termine brutalement. J'étais prêt parce que je voyais le contour dégraisser les secondes et puis je me suis dit, oh là là, ça va se terminer. Je vous propose de calmer le jeu avec un titre de 1967, mais vous ne pouvez le connaître que si vous avez vu le documentaire, le film si vous préférez, le film Magical Mystery Tour. Rappelez-vous, voici la version Magical Mystery Tour du film. Buys a ticket for a magical mystery tour. He knows what to expect. We guarantee him the trip of a lifetime. And that's just what he gets. The incredible magical mystery tour. is inciting and inviting me. Limitless, undying love which shines around me like a million suns and calls me on and on across the universe. Jaguru Deva, oh, nothing's gonna change my world. Nothing's gonna change my world. Nothing's gonna change my world. Nothing's gonna change my world. La version de l'anthologie que vous venez d'entendre, l'anthologie même Highlights, sortie en 2010. Vous êtes bien sur RIG 90.7, vous êtes également en train d'écouter cette émission sur www.rigfm.fr pour Bordeaux et le reste du monde. Et j'espère que vous allez tous très très bien. Voici George Harrison, maintenant, dans la saga des Fab Four, avec ce très beau titre de 1973 sur l'album Living in a Material World, Be Here Now, sur RIG. Thank you. Poussé, poussé. Nous sommes en 1974 sur l'album Walls and Bridges. C'est une chanson hypnotique qui flotte de manière enchanteresse dans l'espace qui sépare le sommeil paisible de l'éveil angoissé. Yesterday était venu à Paul dans son sommeil, ou du moins sa mélodie, sur laquelle il a chanté les mots scrambled eggs, œufs brouillés, jusqu'à ce qu'il trouve mieux. Et certaines des chansons de John avaient la même origine. Il n'eut pas à chercher loin la mélodie, puisqu'il se contenta de recycler sa partie de guitare sur la version de Nilsson de Many Rivers to Cross. Il s'éveilla un matin et dit à May Pang, sa petite amie de l'époque, qu'il avait rêvé de deux femmes appelant son nom. Et avait également entendu l'étrange refrain « Ah, bawakawa, poussé, poussé ». Le sens de ces mots restait obscur, tu m'étonnes. Mais les deux esprits féminins ne pouvaient être que May et Yoko. Lorsque John enregistra la chanson, qui conserva longtemps son titre provisoire « So Long », les premiers vers des paroles, May Pang fut invitée à chuchoter « John » au moment opportun. Il y est également murmuré « Hare Krishna, George » pour saluer le vieux camarade de John avec lequel il venait d'avoir l'une de ses disputes périodiques. La guitare céleste de Jess Ed Davis est d'ailleurs certainement un hommage conscient au style de George Harrison. Voilà ce qu'on pouvait dire au sujet de cette chanson. Et je vous propose de retourner à l'album de la semaine. L'album de la semaine, j'ai oublié d'en parler depuis un petit moment, c'est Love, l'album créé pour le Cirque du Soleil avec Gail Martin en tant que producteur et de très très bonnes idées pour mélanger les chansons. En voici la preuve avec Been for the Benefit of Mr. Kite, plus des petits rajouts. Écoutez, c'est superbe et c'est sur RIG. For the benefit of Mr. Kite, there will be a show tonight on trampoline. The Hendersons will all be there, late of Pablo Bank is there, what a scene. Over men and horses, hoops and garters, lastly through a hogshead of real fire. In this way, Mr. K will challenge the world. The celebrated Mr. K performs his feat on Saturday at Bishop's Gate. The Hendersons will dance and sing as Mr. Kite flies through the ring. Don't be late. This is K and H, assure the public their production will be second to none. And of course, Henry the Horse dances the waltz. The band begins at 10 to 6 when Mr. K performs his tricks without a sound. And Mr. H will demonstrate 10 somersets he'll undertake on solid ground. There'll be some days in preparation, a splendid time is guaranteed for all. And tonight Mr. Kite is coming to play.

deux fois sur RG il n'y a pas très longtemps, hein, avec That Was Me sur l'album Memory Almost Full en 2007 et Sing the Changes sur Electric Argument en 2008. Je vous propose à 21h06, c'est l'heure actuelle sur RG. Nous sommes à peu près à l'heure, je crois qu'on est légèrement en avance, mais bon, il y a une raison pour ça. D'écouter la cover. La cover, c'est une chanson chantée par John, Paul, Ringo, George, que vous reprenez, qu'un autre artiste reprend, ou alors même si eux-mêmes, les Beatles, ou les Fab Four, comme vous voulez, ont repris la chanson de quelqu'un. Par exemple, sur l'album... attendez, laissez-moi voir que j'arrive à savoir où on en est. Sur l'album Gone Tropo, en 1982, George Harrison a chanté I Really Love You. Eh bien, voici la version des Stereos. Vous retrouvez ça, par exemple, sur l'album The George Harrison's Jukebox, sorti en 2013. Voici la cover. Yeah. Stereos en 1961. Merci Rook, j'ignorais l'année de cette sortie. Voici la même chanson, mais version George Harrison en 1982. Love you. Nobody. bien sur RIG 90.7 sur www.rigfm.fr. Pour le reste du monde, vous pouvez contacter, plutôt nous parler sur Facebook dans le groupe La Saga des Fab Four, sur macaclub.com dans l'endroit qui s'appelle La Saga des Fab Four, ou sur Twitter avec le hashtag Saga Fab Four. N'hésitez pas, c'est votre émission, c'est pour vous et vous pouvez la commenter quand vous voulez. Voilà, on revient à l'album de la semaine. L'album de la semaine, c'est l'album Love avec cette belle version Blackbird avec un petit bout de Yesterday dedans sur RG. Yesterday, all my troubles seem so far away. Now it looks as though they're here to stay. Oh, I believe in yesterday. Suddenly, I'm not half the man I used to be. There's a shadow hanging over me. Oh, yesterday came suddenly. Why she had to go, I don't know, she wouldn't say. I said something wrong, now I long for yesterday. Yesterday, love was such an easy game to play. I need a place to hide away. Oh, I believe in yesterday. Why she had to go, I don't know, she wouldn't say. Love was such an easy game to play. Now I need a place to hide away. Oh, I believe in yesterday. Quand j'ai dit tout à l'heure Blackbird avec un petit bout de Yesterday, il fallait comprendre Yesterday avec un petit bout de Blackbird. Ah bah oui, on peut pas avoir juste tout le temps. Allez, on refait une cover parce que en fait, la première que vous avez entendue tout à l'heure était prévue simplement pour vous montrer la différence entre la version de George, et la version des Stereos. Voici la cover. La cover, c'est il y a très peu de temps, on rendait hommage à, c'était en 2010. On rendait hommage au Kennedy Center à Paul McCartney et Steve Tyler a rendu hommage en reprenant un bout d'Abbey Road. Belle version. Il l'a fait devant Paul McCartney qui a apprécié. La voici, cette version. Didn't anybody tell? La fin est très très très très belle et belle performance vocale de Steven Tyler sur RIG en tout cas. Je vous propose non pas d'écouter la même version par les Beatles, ce serait trop facile, mais de remonter les années, remonter et aller même jusqu'à une année que je ne fréquente pas régulièrement avant ma naissance, en 1961, Tony Sheridan and the Beatles avec cette instrumentale, rappelez-vous, c'était à Hambourg. Cry for a Shadow sur RIG. Saga des Fab Four. Listen to me, we can give it a try. I'll look you straight in the eye and hug you till me. What I'm gonna do next, I'll leave entirely to your imagination. Do you hear me? If you don't understand, I'll take a hold of your hand and pull you near me. I can bet j'adore cette chanson. 2013 déjà, un vieil album, comme le dit Rook sur Facebook, oui. 2013, l'album New, à l'époque, New. Mais bon, je sais pas, I Can Bet, c'est une chanson qui me reste à cause du riff, du refrain, de la voix, hein, qui est bien maquillée quand même. Hein. C'est vrai qu'il a maintenant des problèmes de voix, le brave Paul. Mais bon, il prend de l'âge, et c'est comme ça, il faut s'y faire. Voici... Alors, quelqu'un qui n'avait pas encore perdu sa voix, puisque c'était en 1981, c'est sur l'album Somewhere in England, et George Harrison nous parle de That's Which I Have Lost. Et c'est sur RIG. C'est léger, c'est sautillant, c'est agréable, c'est sur RIG. 90.7, la radio des Beatles. He's fighting the forces of the darkness limitation. Falsehood and mortality which bore him the way back into the higher woods. While his whole being is bewildered, he does not know. No thought of action taking refuge inside himself and insane. I need someone to show me, illumine my consciousness, remove the darkness in me, and give me that which I have lost. Lost a light from heaven breaking. It flashed a wood illumination. Made rich his life more than many words can tell. He stood the light. Renewed precious rain scales were falling from his eyes again. The bolts of his prison opened in his savior. I found someone to show me. Illumine my consciousness. Remove the dark from me. And give me that which I had lost. You people don't have time to listen to him. Is it fighting revolutions that keep you back down in the low world? Of understanding, they need cleansing. Polish away the dust of desire before your life will reflect in them. You need someone to show you. Illumine your consciousness. Remove the darkness in you. And give you that which you've lost. Ooh. Illumine my consciousness. Want to show me, illumine my consciousness, remove the dark from in me, and give me that which I've lost. You need someone to show me, illumine my consciousness, remove the dark from me. C'est la saga des Fab Four numéro 311 sur RIG que vous écoutez ce soir jusqu'à 22h. La saga des Fab Four que vous pouvez entendre sur le net, sur www.rigfm.fr ou sur votre autoradio. Et un grand merci à Arnaud qui s'est arrêté sur l'autoroute quand même pour pouvoir donner un petit texto, dire « Salut, je t'écoute ». Merci Arnaud, c'est super sympa. Et pour ton autoradio, voici Lady Madonna qu'il faut écouter très très fort. Monte le son, remets-toi sur la rocade ou sur l'autoroute et pousse le son à fond pour que tout le monde puisse entendre la saga des Fab Four. Oh.

rigolo sur Facebook parce que quand je vous dévoile un titre, enfin quand un titre, vous ne le connaissez pas tout de suite. Le titre, Thierry, le titre. Mais je surveille Facebook, je surveille macaclub.com, je surveille Twitter. Et dès qu'Eric est dans le studio, on parle. Donc forcément, je dis le titre aussi vite que possible, aussi vite que je le lis. Je lis la question sur Facebook. Voilà, c'est fait, vous le savez. C'était Snookeroo avec Elton John sur l'album Goodnight Vienna. Oui. Absolument. Thierry Gallet, animateur radio, un homme et le The Beatles. Chers auditeurs, nous pouvons l'écouter. Nous en avons la possibilité technique. Nous sommes capables de partager cette passion avec le Beatlesman. Thierry Gallet est devenu cet homme. Passionnant. Passionné. En un mot, le meilleur. L'homme qui aimait les Beatles. Sur RIG, la saga des Fab Four. Hold you in his

c'est ainsi que s'achève la 311e édition de La Saga des Fab Four. Je vous retrouve la semaine prochaine pour une version courte, hélas. Je travaille jusqu'à 20h30. On espère se retrouver à 21h pour une spéciale Paul McCartney 1970-1980 de 1h et de 12 titres. Rendez-vous la semaine prochaine, mini saga. À bientôt, je vous laisse entre de très bonnes mains celle d'Eric pour son fantastique Johnny de A à Z. Bisous filles, prenez de moi au garçon. Ciao.